Party is to have fun together. And a successful party needs planning and skill. Whether it's a special carnival designed for entertainment. Bienvenue dans l'Instant Groove. L'Instant Groove, c'est une heure de découverte de la musique électronique, de la house music, du dub à la techno par les... En passant, mais en fait, on s'en fout parce qu'aujourd'hui, c'est une émission spéciale, messieurs. J'accueille Last News from Boontar qui vont jouer ce samedi au NJP. Bonjour à vous, les gars. Comment allez-vous? Ça va très bien. Eh bien, ça va. Comment tu vas? Moi, je vais vraiment, vraiment bien. Je suis encore honoré de vous accueillir car vous êtes les premiers à faire une double émission. Et aujourd'hui, vous allez nous proposer quoi? L'idée c'est de montrer un peu l'éventail de ce qu'on proposera ce samedi 12 au Magic Mirror. Donc ça sera très éclectique comme on aime faire. Donc il y aura du classique, de la soul, de la funk, peut-être pas de la soul mais plutôt de la funk, de l'afrobeat, des sons old school et il y aura de la new school. Oh my god. UK Garage ou des sons un peu plus électroniques, de la house. Il y aura tout ça. Eh bien, messieurs, dames, est-ce que vous allez nous envoyer du soleil, chers auditeurs? Il y aura un peu de tout, là. Là, ça va être un beau mélange, mais c'est surtout un petit set pour les prémices du NJP, donc un peu le set apéro. Hein. Écoutez-vous ça avant d'aller au Magic ce soir. Ouais, voilà. Et alors, c'est parti. C'est parti. Last Young from Boontar. And the skill of the guests in making the party fun for everyone. Well, it's the big night. The party is off to a good start. Guests are on time. Everyone's out to have fun and to help others find. Having fun together makes a party. This means both host and guests. All these things should be planned to fit together well. So fun together can continue. And of course, the guests have a part in this too. Each should take part in what the group is doing. And when you're invited to a party, practice the skills of a good guest. Be on time, ready for fun. Take part in the party. Help everyone around you to have a good time. All these things help to make a good party. A party that's fun for all. Guest list, invitations, refreshments, entertainment. Guest list, invitations, refreshments, entertainment. Guest list, invitations, refreshments, entertainment. Guest list, invitations, refreshments, entertainment. Guest list, invitations, refreshments, entertainment. Guest list, invitations, refreshments. Vous êtes toujours sur l'Instant Groove et nous accueillons Tom Bakers qui a eu un peu de retard. Salut Tom, comment bonsoir, tu vas? Bonsoir, excusez-moi, non, si c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, surtout le samedi soir à 20h, oui. Chers auditeurs. Alors, c'est une émission spéciale car vous jouez au Magic Mirror, quand même une institution à Nancy, à la pépinière de Nancy. Et c'est une émission spéciale soleil car en fait, l'été vient de se terminer et grâce à vous, on a encore ce soleil dans le studio, dans la radio et samedi soir au Magic Mirror. C'est la fin de l'été. Comment vous décrirez votre été en trois mots? Waouh. Fatigant. Fatigant. Ah ouais, ouais, je me suis pas du tout reposé, moi, personnellement. Toi? Moi, je me suis pas plus reposé. Non, c'était actif. Très actif. C'est ça, actif. Ouais, c'est un bon terme, ça. Et bah justement, quelle activité vous avez kiffé? Parce qu'il faut savoir que l'Instant Groove, c'est aussi l'humain derrière les platines. Ah, bien sûr, bien sûr. Dormir. ouais, mais bon, quand t'es actif, c'est difficile de bien dormir, ouais, finalement. Mais justement, t'es trop actif. Ah, tu dors, oui, je suis bête, oui, bien sûr. Non, l'activité préférée, moi, c'était quoi? La funk japonaise. Ah, alors oui, alors ça c'est un style musical, c'est un peu... mais c'est une activité sympa pour écouter ça, ouais, j'aime bien. Non, l'été était bien, il y a eu du travail, il y a eu des vacances avec les Bang Bang, et il y a eu aussi quelques mix on a fait des trucs ensemble, je crois. Ouais, il y a eu pas mal de Radio Bonheur. Pas mal de Radio Bonheur. C'est notre projet du coup, voilà, on c'est joue de la musique calme et positive. Incroyable. Et justement, Radio Bonheur, j'ai vu la Palmouse. Vous étiez à deux à la Palmouse ou pas? Ouais. Oui, on était à deux. Une petite anecdote, peut-être un truc qui s'est passé cet été pendant un de vos mix. Je sais pas trop. Si, il y a eu un mix de l'extrême à la palette. On peut en parler. Ouais, c'était. Allez. On s'était proposé pour jouer au camping et en fait il pleuvait. Donc du coup il y avait personne. Donc alors, personne. Y si avait... si, il restait juste quelques personnes, oui, mais qu'on veut pas voir en fait. Non. C'était vraiment trop. trop loin en fait. Il y avait des gens qui avaient pas dormi finalement, donc c'était compliqué pour eux. Et ils nous demandaient de couper le son. Ils nous demandaient de couper le son pour entendre le son de leur téléphone qui était juste à côté, tu vois, finalement. Wow. On était sur un bon level. Mais alors là où c'était marrant, c'est que l'anecdote est là, elle devient croustillante. C'est qu'on a croisé plein de gens à l'intérieur du festival qui ont demandé, enfin, on leur avait expliqué que c'était nous qui passions du son et ils ont passé leur meilleur réveil possible, quoi. Parce que tu te réveilles, il pleut, tu sais que tu vas faire une journée de festival, t'as vraiment la flemme, quoi. Et il y avait le gros son qui t'a. Enfin, le son, non, c'était Radio Bonheur, donc c'était vraiment. Le son solaire. Le quoi. Son solaire derrière. On peut, ouais, solaire, c'était un peu fort, mais il y avait un son qui mettait la banane et ça les a aidés à sortir de la tente. Voilà. Je savais pas, mais on, tu vois. Bah, voilà, mais on les voyait pas, hein, on les voyait pas, et j'ai eu le retour après une fois sur festival incroyable. De quelques copains. Ouais. Alors Tom, il est aussi adepte des mix. À chaque fois qu'il mixe, il y a une tempête dehors, quoi. Ouais, allez, j'ai malédiction totale. Bah, tu vois, on a la même, hein, parce que franchement, cet été, bah aussi, ça a été une catastrophe au niveau. Bah, de pour tout le monde, en fait, tous les événements, tous les open air, il y avait une catastrophe. Ouais. Les étés, c'est pas terrible en ce moment. Non. Dernier temps. On va tout de suite continuer avec Last News from Butar et. On a entendu la funk japonaise, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Et bah là, c'est de la house japonaise aussi. Allez, c'est parti. on va monter un peu. On va monter un peu PM un peu. Comme on dit au Japon, bon appétit. Itadakimasu. Sur l'Instant Groove. Thank you. chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes toujours sur l'Instant Groove et c'est le moment un peu historique, un peu... Est-ce que vous savez à quelle date a été construit le Magic Mirror ? L'institution où vous allez jouer, quoi. Alors, je crois que c'est début 19e. Attends, c'est genre quelque chose comme 1890, un truc comme ça, non ? Alors, moi, j'ai pas cette info-là. C'est, 20, c'est 20e. Ah, c'est 20e quand même, d'accord, ok. Non, mais je pensais que c'était... En fait, c'est, pour moi, c'est, les chapiteaux avant qu'on ait l'étoile, l'étoile de compète, etc. Exactement. Donc, on faisait ça à l'époque. Et donc, ça devait quand même être transportable par des chevaux et tout. Ça devait être un bordel. Je sais pas, ouais, 1900... Allez, 1910. Ouais, non, 1937. Cet auditorium a été conçu pour répondre à un besoin croissant d'espace pour les concerts avec une plateforme de 127 mètres carrés. On peut accueillir 230 mômes, 460 chanteurs, blablabla. Okay. Ok, Julien Lepers. Wow. Mais tu sais qu'il y en a plusieurs, d'ailleurs ? Oui, et il n'y en a pas beaucoup, hein. Je me suis renseigné là-dessus, je dirais qu'il y en a 6 dans le monde, non ? C'est ah pas ouais, ça ? Je sais pas. Non, en fait, c'est un passionné qui l'est collectionné, et il en a amassé plein, puis au bout d'un moment, je crois qu'il s'est lancé dans un business pour faire ça. Et au-delà de ça, il y a d'autres gens qui l'ont récupéré, comme le Cabaret Sauvage à Paris, il y en a à Bruxelles aussi, qui sont en fixe cette fois. Et il y en a quelques-uns comme ça, il me semble, de plusieurs tailles différentes. Ouais, je suis... J'aime ouais, bien non, t'es fort, il était trop fort. Ouais. Ouais, il y en a des fixes et il y a cette société qui les loue, quoi. Ouais, voilà. Mais c'est incroyable. Alors, est-ce que vous avez un morceau qui vous a accompagné tout cet été ? Un morceau que vous allez peut-être jouer aujourd'hui ou que vous avez joué pendant des festivals ? Ouais, alors là... La funk japonaise ? Ouais. C'est quoi comment... Il faut savoir que c'est une émission spéciale. Donc non, c'est un je peu parle pour Ever qui a une lubie sur ça en ce moment. Ouais. Mais alors, Scandal Night. Je l'ai tout le temps, à chaque fois. Quand même exceptionnel, Ever, exact. Parce que la première fois que t'es venu, tu m'as fait de la funk japonaise, donc ça dure. Est-ce ça que dure, c'est, ouais, c'est ouais, pas ça dure ton un peu. Style de prédilection. Mais j'aimerais bien faire un set complet que de funk japonaise, de pop japonaise. Ce serait quoi ton nom de scène si tu passais que de la funk japonaise ? Ce serait moi la question. C'est une question de l'instant, en gros. Ah, je sais pas du tout. Alors là, tu me prends dépourvu. Bon, ça resterait la Sue from Disco. Oh. Ouais. C'est beau. Et si je suis avec Seb, ce serait la Sue from Bunta. Ah, oui, voilà, c'est ça. Et oui, parce que moi, c'est Johnny Bunta. Ou Alligato from Bunta, je sais pas. Alligato from Bunta. Ouais, je trouve ça. J'aime bien. C'est parfait. Et moi, c'est UTO. UTO. UTO qui passe au Magic Mirror d'ailleurs, mardi 14 ou 15 octobre. Mardi prochain. C'est un duo français ouais, qui tabasse tout et qui était à Bon Moment Festival à l'autre canal là en mai, je crois. Et en fait, il me transcende. Ouais. Ouais. Donc c'est un mardi soir à minuit au Magic, c'est pas évident. Tu vas y aller ? Eh bien, je vais quand même y aller. J'ai posé les congés là. Est-ce que ce serait pas. Ah, le congé, ok. Ah, bah ça... oui, bah minuit 5h, un mardi, à mon avis, ça. Hein, ça va piquer. Hein. Sachant qu'il y aura le samedi. Oui, un samedi sport avec vous, quoi. Ouais, mais ouais. Je serai plus dans le contrôle là. Tom, est-ce que t'as une petite question là ? Et si vous pouviez prolonger l'été, vous iriez où en un seul voyage ? En un seul voyage ? Vous avez des questions, elles sont tricky, les gars, quand même. Je sais pas, viens, on va en Guadeloupe. Hein ? J'adore ouais, la Guadeloupe. Bah oui. Ouais, en Guada, ouais. J'y vais là pour la première fois en janvier 2025. Ouais. Moi j'étais plus à La Réunion ce midi, j'ai mangé un petit rougail saucisse là. Allez. Ouais, voilà. Au soleil quoi. Hein. Ouais. Non, je saurais pas te dire. Non, j'irais bien à Oléron, tu vois, c'est mon terre-terre d'enfance. Tu surfes ou pas ? Non, malheureusement. Moi okay. Je body surf moi. Avec mon corps sur les vagues comme un labrador lâché dans un lac, tu Est-ce vois. Est-ce que Magic tu vas surfer sur les gens ? Waouh, ouais non. Je te porterai. Bah je fais 95 kilos, c'est. Je te porterai ça pas. Ça a toujours été un problème pour moi. Qu'est-ce que vous allez nous proposer les gars ? Là je vais te mettre. Alors oui. Là, vas-y. Alors bah oui non c'est toi. Alors, là on était dans la funk, la disco, des choses un peu conventionnelles. Et là Ever va nous proposer de DJ Blacklo. Voilà, de la Mapiano venue d'Afrique du Sud. C'est assez déroutant, vous allez l'entendre, mais ça va me permettre moi de rebondir sur les musiques que j'affectionne. Donc merci Ever pour ce pont. Voilà, on en dit pas ça plus, a été découvert par cet auteur, donc Victor, qui me l'a fait découvrir. Merci. Oui, moi j'avais eu la chance de le découvrir. Je suis fou de ce track, donc voilà, il faut le faire partager. Dans le week, ouais, c'est et ça. Bien, c'est parti les amis. C'est ça. C'est en gros. Papa's music. Leg loose. Batna. Alongside. JKS. Bona. I jive a loo. I jive a loo. I suck a loo. I suck a loo. I revolte mino. Hey, revolte mino. I keep on the rule. I keep on the rule. I revolte the rule. I revolte the rule. I don't do by a jive. Goose pity pity, goose pity pity. I jive a loo, I jive a loo. Umsika siko, umsika siko. Abantu baya jive, abantu baya jive. Hai rabonte mine, hai rabonte mine. Haki bonde le rule, haki bonde le rule. Hai rabonte le rule, hai rabonte le rule. I jive a loo, I jive a loo. I suck a loo, I suck a loo. Hai rabonte mine, hai rabonte mine. Higher button me, higher button me, higher button me, higher button me, higher button me, higher button me, higher button me, higher button me, higher button me, higher button me, jive. And Il y a des transits plus faciles que d'autres. Oui, là, c'est un peu plus dur que... Mais c'est pardon, parce que vous m'impressionnez, on est un peu samedi. Non, on parle de la transition musicale. Non, ah ouais, ouais, non, on a... Ouais. Pardon, mais désolé. J'ai merdé la mienne aussi, donc ouais. C'est nickel. De toute façon, c'est l'émission rock'n'roll. Là, un peu. L'atmosphère du Magic Mirror est souvent décrite comme chaleureuse et accueillante. Favorisant les échanges entre les artistes et le public, c'est un lieu où la musique et la danse rassemblent des personnes de tout âge et horizons. Créant une communauté vibrante autour de la culture musicale. Wow. Quand j'ai lu cette phrase, j'ai pensé à vous, samedi, moi dansant le zouk devant vous et la boule à facettes me regardant. Ouais, cool. Est-ce que ça vous fait chaud au cœur un peu? Ouais, ça fait chaud au cœur. Encore plus stressé qu'avant. Non, est-ce que c'est un objectif pour vous d'être au NJP? Dans la boue. Alors, bah, en fait, il y a deux versions. Il y a Ever qui pourra mieux en parler parce qu'il a déjà fait une clôture du Nancy Jazz Pulsation. Oh, ouais, pour le coup, monsieur. Ouais. Voilà. Alors, ça, moi, mais je suis quand même très heureux de pouvoir rejouer en plus avec toi. Mais je dois le dire, parce que moi, j'étais devant cette clôture. Moi, je les ai vus jouer, je les suivais de loin, on se connaissait pas encore à l'époque. Au Magic ? Et ouais, et ils m'ont buté, quoi, littéralement. Et effectivement, il n'y avait pas la boule à facettes encore à cette époque-là. Non, c'est arrivé après, ouais. Elle est arrivée il y a 2 ou 3 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Et du coup, là, on aura cette boule à facettes. Il va y avoir, une petite âme en plus qui va. Mais oui, effectivement, c'est un plaisir de jouer là-bas, quoi. Enfin, moi, quand j'ai commencé à jouer, alors je suis en train de m'étaler, c'était il y a 7 ans, et je m'étais dit, quand j'avais commencé à jouer, ouais, vas-y, je me mets un objectif, vas-y, dans 3 ans, porte-toi, vas-y, fonce, dans 3 ans, tu vas au Magic. Il m'a fallu 7 ans, bon, voilà. Bah, mais c'est pas grave, parce que je suis très, très heureux d'y être. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer là dans la musique? Toi, t'as mis 7 ans là pour aller au Magic, mais qu'est-ce que tu lui dirais là maintenant? Une petite phrase là. Démerde-toi. Non. La Selecta compte plus que le. Ouais, la c'est technique. Ce que je dis exactement. Ouais, la technique, en fait, aujourd'hui, on a des outils qui permettent de faire de la technique un peu au rabais. C'est-à-dire que tout est un peu facilité. C'est pas un problème finalement, mais le vrai truc, c'est ça. C'est la Selecta qui va apporter. Tu peux être un très piètre technicien, mais avoir une Selecta de folie. Mm-hmm. Il suffit juste après de faire des petits passe-passe. Des machins, des trucs. La preuve, on fait pain sur pain. Oui. En train de dire que t'as que des bons soins. Attends, fais gaffe. Non, mais au-delà de ça, oui, c'est la Selecta pour moi qui va être le plus important. Et, et la passion de jouer devant des gens. Et oui, le c'est partage ça, voilà. De jouer de la musique devant des gens aussi. Et puis de pas jouer que pour toi, en fait. Au-delà de ça, il faut passer des sons. Et si tu vois qu'en face, il n'y a plus personne, mais que tu persistes, juste parce que t'as envie de te faire kiffer toi, fais ça dans ton salon, et puis ça sera bien, quoi. Bon, après, tu peux... Ouais, après, tu peux avoir un style, être producteur, créer quelque chose. Là, c'est encore différent. Peut-être tu peux être en dehors de l'air du temps et il faut persister quand même. C'est ce que je voulais entendre. Il faut persister. J'aime beaucoup ce qui se passe. J'ai l'impression d'avoir fait 20 voyages en un set. C'est super. On voyage pas à travers le encore. Monde entier. Moi, j'avais une question. Si vous pouviez revivre une journée cet été que vous avez particulièrement aimé, ce serait laquelle? Putain, vous aimez bien l'été. Ouais. C'est le thème de l'émission, en fait. C'est l'émission spéciale. Et toi, Angie, été. Moi? Ouais, toi, Nathan. Je dirais l'écho du marteau avec vous, peut-être. Ah, c'est vrai que l'écho du marteau, c'était marrant. Ouais. C'était très bien, ça. C'était très, très drôle. C'était rigolo, ouais. C'était vraiment boum, pas mal. Boum, les bains, peut-être aussi. Ah oui, boum, boum, les bains. Boum, les bains, non, c'était plus pluie, les bains. Plus les mains. C'est vrai qu'on a fait, on s'est croisé une paire de fois, Nathan, c'est marrant ça. Nice. Non, une journée à revivre, ça pourrait être tout simplement un instant d'allégresse avec ses proches. Oh. Ouais, j'ai fait repas de famille incroyable cet été. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait griller autant de saucisses, quoi. Ouais, non, c'était incroyable. Ouais. Est-ce que vous avez des prochaines dates, là, après le NJP, à nous communiquer? Allez, parce que je prends l'agenda, mais non, mais on enchaîne. Si moi je vais mixer aux encuvés, au salon du vin, et vous pouvez enchaîner directement au Schmilblick avec Ever qui mixera au Schmilblick. Et ça, donc c'est le 28, c'est ça? Ouais, et normalement tu m'en rejoins, non? Ouais, je te rejoins. Points, hein. Et après, on va. Je te rejoins, je crois aussi. Allez, vas-y, tu bouffons, ramène tout le monde. Et dans le même temps, il y a la clôture du Michto. Alors ça va être délicat, mais bon, on va réussir à tout faire, je pense. On va tout mettre dans les. Eh bien, c'est parti. On va mettre les ronds dans les carrés, ça va bien se passer. Eh ben, on continue ce petit soleil là. Ouais, on va peut-être aller sur des. Combien de temps il nous reste là? Il vous reste 12 minutes là. En tout? Non, pardon, je sais plus compter. 22. 22 minutes. Eh ben, elle va monter un petit peu le BPM. Le diaphragme. Préparez-vous. Quel diaphragme? Ça va vibrer sévère. Dans l'instant. Vous êtes toujours sur l'Instant Groove dans l'émission spéciale Last News from Boonta, from Magic Mirror, Saturday Night. And en fait, c'est le moment un peu mignon. Et en fait, j'ai toujours eu envie de vous dire une chose. J'ai déjà dit à Ever, bon, Ever s'est énervé quand je lui ai dit, mais je vous considère au niveau du style musical comme mes papas. Est-ce que ça vous fait plaisir? Waouh, viens voir papa. Bah c'est gentil. C'est ouais c'est gentil, gentil. Écoute ça fait plaisir. Bah bon. Vous m'avez beaucoup inspiré faut dire. Bah c'est cool. Bah c'est marrant parce que ça me rappelle une anecdote de, bah justement de merde le festival où on était ensemble. L'écho du marteau. L'écho du marteau où j'ai dit la même chose à Ludo. Donc Captain Ludo ou Captain Fracas où on vous passera des disques, il a plein d'identités, celui qui tenait le disquaire chez Rhizome là, Rhizome oui, voilà. Incroyable. Et ouais bah Ludo c'est lui qui m'a mis comme toi voilà. J'avais 20 ans, 22 ans, il jouait partout, il allait dans tous les sens. Est-ce que je vous... lui ai dit que c'était mon papa. Incroyable. Aussi. Est-ce que vous voulez une petite exclue de l'écho du marteau que je vous ai pas dit? Allez, vas-y. Allez. À 5h du matin, j'ai été prendre un pâté lorrain dans le frigo. Je l'ai volé à un gars le matin, il a dit si je chope celui qui a volé mon pâté lorrain, je lui ai dit bah c'est moi mec. Et en plus, je suis végétarien. Et je l'ai bouffé. Voilà. Ouais, bravo. Oh, super, ouais, super, yes. Bravo. La morale allez, de cette histoire. Ne jamais c'est pas joué. Bien. C'est voilà. Pas bien. L'alcool est à consommer avec modération. Ouais. D'ailleurs, je suis un grand gourmand, comme vous le savez, avec quoi cet été, ou plutôt ce set solaire. Ou ah oui, parce qu'on vient de comprendre le thème de l'émission. Oui. Ouais, désolé, on est un c'est peu le mou, soleil, mou ouais. Du cervelet. C'est le soleil, ouais. Ouais. Parce qu'en fait, on est en automne et du coup, l'été vient de terminer, mais vous êtes les continuums de cet été, pardon. Et du coup, avec quoi votre set de samedi soir va bien se mélanger niveau boisson, l'alcool, pardon, à consommer avec modération. Non, non, et, mais en plat, non, en plat, je dirais en plat, une bonne burrata, tu vois, avec un bon poivre, mais vraiment un bon poivre, hein, qui pique un petit peu comme ça, une huile d'olive bien parfumée. Petite salade en douce, tranquille, petite vinaigrette qui pique un petit peu aussi derrière, tu vois. Et puis juste ça, quoi, vamos, hein. Moi, je suis pour, hein. Je serais quand même plus sur une petite mozza di bufala, parce que la burrata, c'est quand même un petit peu burratif, comme son nom l'indique. Mais un peu plus wow. De subtilité, un petit peu plus de subtilité avec une mozza di bufala. Ouais. Johnny perspicace. Voilà. Après, moi, mais je suis oui, bourrin, donc... Non, mais la grosse crémasse, là, de la burrata, ouais. Juste avant de danser, ça ouais, peut... Ouais, mais ça plaît bien, ça, là, quand tu... Ouais, quand mais après, tu glisses, toi. Ouais. Après, moi, je suis bourrin, donc ça me va, ça. La petite boisson. Ouais. La petite boisson, bah non, nous on est très ginto en fait. Bizarre. Mais, non, ou alors tout simplement à London Mule aussi, c'est pas mal. C'est ça. Wow, ouais, juste un ginger beer. Un Bobby's. Un ginger beer, ouais. Un Bobby's. Ouais, ou ouais. Pour un bon pet-nat, le No Magic, faut mettre des bulles et tout. Mon dieu. Pardon, excusez-moi. Non, mais peu importe, venez comme vous êtes, venez danser, peu importe si vous avez mangé des chipsters ou un kebab ou de la burrata. Et vous de êtes l'amour, les bienvenus. Parce qu'il y a de l'amour partout. Ouais, c'est ça. Et votre été, vous le définirez comment? En un mantra? Un mantra, une devise. Une devise, ou un une devise qui est maintenant là. Parce que putain, vous allez jouer au Magic quoi. C'est quoi votre devise là de ce. Bon, chers auditeurs, profite de l'instant T. L'été n'en finit plus. Je trouve que c'est très compliqué aujourd'hui d'être heureux à l'instant présent et d'être heureux pour peu de choses. Je trouve être présent à l'instant T, l'instant présent, tu vois, là je suis content. L'instant groove. Ouais, l'instant. et vraiment, ouais, c'est ça pour moi. Eh ben ouais voilà non vivez l'instant ouais carrément faut pas tu dis fait... exactement pareil non mais parce qu'en fait c'est vrai non mais je pense à ça là je suis en train de péter un câble sur l'addiction aux réseaux sociaux et tout ça le fait d'avoir le cerveau qui est pas capable de se concentrer sur une tâche ça me fait flipper en fait j'ai supprimé Twitter aujourd'hui moi tu vois eh ben voilà ça, c'est déjà un bon début mais tout ça pour dire qu'effectivement il faut se lâcher un peu de tout ça essayer de voilà de lever le pied sur les écrans c'est facile hein c'est vraiment de la merde hein, ce que je dis un truc de dingue dernière anecdote il y a un gars il m'a envoyé un message aujourd'hui m'a dit lundi mardi me contacte pas je suis en pause réseaux sociaux quoi ça veut dire des branches quoi ouais c'est malin ouais. Lundi mardi ok bon allez bon les gars qu'est-ce que vous allez nous balancer il est sympa moi non c'est un bon pote on te salue c'est qui Paul que tu sois. C'est Paul bah, salut Paul je fais Paul, caca souvent chez Paul elle est pour toi allez. La prochaine Paul allez bossa tout bossa J'avais oublié de dire au revoir, merci beaucoup d'être venu dans cette émission, l'Instant Groove, avec Tom Bakers. Merci Tom d'être venu. De rien, c'est un plaisir. Merci Johnny Buntar. Bah merci de nous avoir invités. C'est toujours un vrai plaisir de venir ici. Hein. Vivement la troisième. Et puis vivement la troisième. Et puis au-delà de ça, oui, on est très content de venir. De venir avec mon compère, c'est un plaisir. Ouais, c'est cool, moins stressant d'être deux que seul. Ouais. Et ben on vous retrouve samedi au Magic Mirror. Ouais. Et pour de plus belles aventures encore, je ne sais où. Ouais. Et fin show là. Et ce sera que de l'impro, voilà, disons-le. Oui, ouais. Disons-le. Voilà. Samedi, c'est tellement des personnes talentueuses. Ouais, ça digue fort. Ça digue. Ça prépare plein de sons, mais ça ne sait pas quoi jouer au moment où on va le jouer. Ouais, sais surtout pas ce que lui va jouer, ce que Etienne va jouer aussi. C'est ça, parce qu'on est trois. Oui, ouais, Etienne aussi. Voilà, on peut se faire des pièges, on peut se faire des. On a quand même fait une réunion pour éviter les pièges quand même. Hein. Alors, mais il y en aura quand même. Ah oui, c'est vrai qu'il y en aura quand même. Et ben, on vous retrouve samedi. Ouais, samedi 12 octobre, minuit 5h, Magic Mirror. Allez, c'est parti. Bisous. Bon voyage. C'est moun la ka fon lo chichi, yo pa ka men anvi achete li mi ou pri.